من يذكر لنا النواقض التي أخذناها إلى الآن مع أدلتها أو أدلتها؟ Qui se rappelle des abrogations qu'on a vues jusque-là avec leurs preuves? الأول الشرك. الأول الشرك. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين ومن أنصار. وما للظالمين من أنصار. نعم أحسنت. هذا الناقد الأول شرك. والناقد الثاني: من جعل بينه وبينها وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليه. Celui qui prend des intermédiaires, il les invoque, il place sa confiance en eux. Et Mada, il place sa confiance en eux. L'intermédiaire. هناك وسائط شرعية ووسائط ماذا؟ حرام. ما هي الوسائط الشرعية والوسائط؟ C'est quoi les intermédiaires qui sont légiférés et c'est quoi les intermédiaires qui sont interdits? Les intermédiaires légiférés, c'est un rousseau. Les messagers. نعم وكذلك العلماء والملائكة. نعم أحسنت. نعم والناقد الثالث تحفظه. الناقد الثالث الناقد الثالث من يعتقد أن علي رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل. هذا الناقد الثالث. هذا الرابع. نحن نريد الثالث. ها مع محمد. من لا يكفر المشركين أو يشك بكفرهم. نعم. أصح. أو صحة. مذهبهم. فهو كافر. نعم. أو فقد كفر. نعم. الذي لا يكفر المشركين و أو يشك soit ils ne rendent pas mécréants les mécréants ou soit ils doutent sur leur mécréance. نعم. Ou soit ils disent que leur voix est juste. فهذا كافر. طيب حتى وإن صلى وصام وما دعا إلا الله. Même s'il fait la prière ainsi que il invoque juste, il n'invoque aucun autre qu'Allah, Azza wa Jal. C'est un mécréant. C'est quoi le dalil? La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Dalil. Sur ça? Eh. Ahsant. Vas-y, tahfaz al-dalil. Fi hadha al-naqid. الناقد الثالث من لا يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحها مذهبهم فقد كفر. عبد الله ما تحفظه؟ محمد ما بالله لا أبو هند ها رياض عيسى ايوه وانت كذلك وانت يا حمزه ما فيش مكه. طيب ايش عندك يا بهند؟ من قال لا اله الا الله وكفر بما من دون الله بما يعبد من ايوه نعم احسنت على الله احسنت حديث طارق بن اشيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله نعم Et donc on est arrivé au naqib al-rabi'. Tayyib, qabla dhalik, celui qui ne rend pas mécréant le mécréant. Kayf yakun fi mas'alat tariq salah ou tariq al-hajj ou tariq al-zaka. Celui qui laisse la prière, certains savants ils disent que c'est un kafir. C'est-à-dire si moi je vois que tariq salah c'est un kafir. Et Zayd il voit que Tariq Salah, ce n'est pas un kafir. Est-ce que moi, j'ai le droit de dire que Zayd, c'est un kafir parce qu'il ne rend pas kafir celui que moi, je rends kafir? Non. Là, l'imad, il y a un khilaf. Oui, n'am. Et ce qui est le dans les questions al-zahira, al-jaliya, al-jaliya, pas dans les questions al-khilaf. C'est-à-dire cette abrogation, elle est à prendre en considération dans les choses qui sont claires, wadih. C'est les choses où il n'y a pas de divergence entre les gens, entre les ulama. ولهذا قلنا يعني في أغلب النواقد يأتي بكلمة كفر إجماعا. Dans la plupart des nawaqid, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il évoque le consensus, l'unanimité des savants sur le fait que la personne qui tombe dans cela a certes mécru. Non. طيب دونك هنا غيبي هو الناقد الرابع والناقد الرابع ما هو يا هارون هارون كنيتك ماذا ما دريت نشوف لك ان شاء الله ايوه الناقد الرابع ما هو من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن من هدي من هديه ايه أو ب ب ب باختصار الحكم بغير ما أنزل الله باختصار نعم وهذه مسألة من المسائل الكبرى. Ce point-là, il fait partie des grands points de la aqidah, de la croyance. Le fait de juger par une autre loi que la loi d'Allah عز وجل. هذا كفر أليس كذلك؟ نعم. في تفصيل، لكن التفصيل قد يأتي بعد. أولا كلمة كفر. يعني متفق عليه. في سيدي كفر هذا متفق عليه. لا يوجد de خلاف là-dessus. Le fait de juger par autre qu'Allah, c'est du كفر. تمام؟ لكن التفصيل يأتي في كلمة الكفر هل هو الأكبر أو الأصغر عرفتم لهذا قال ابن عباس هي به كفر هي به كفر وليست كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم donc le fait de juger par autre qu'Allah c'est du kufr c'est de la mécréance. Maintenant, le mot mécréance, il peut s'appliquer à la grande mécréance comme il peut s'appliquer à la petite mécréance. Qui peut nous donner trois exemples ou quatre exemples du jugement par autre que la loi d'Allah et qui fait sortir son auteur de l'islam ? إذا حكم بغير ما أنزل الله ويفضل الأفضل أيوة الذي يفضل حكم المخلوقات على حكم الله celui qui préfère le jugement des créatures au jugement du créateur فهذا كفر أكبر تفضل إيمان كفر أكبر مخرج من الملة تمام ها الذي يرد شريعة الله الذي يجحد الشريعة هي celui qui réfute les législations d'Allah فهذا كفر أكبر مخرج من الملة أحسنت الذي يعتقد أن يمكن تحاكم مع شريع الله أو لا يمكن تشريع بغير شريع الله أيوة الذي يستحل التحكم بغير ما أنزل الله celui qui rend licite le fait de juger par autre que la loi d'Allah نعم فهذا كفر أكبر مخرج من الملة نعم ها والسورة الرابعة أسمع أحسنت نعم الذي يسوي بين حكم الله وحكم المخلوقات هذه كلها سور مكفرة يعني كفرا ناقلا عن الملة C'est-à-dire, c'est une mécréance. Toutes ces images-là, tous ces exemples qu'on vient de citer, c'est des exemples qui ramènent son auteur à la mécréance, la grande mécréance. وَمَا هِيَ السُّورَةَ الْأُولَى الْوَحِيدَةَ الَّتِي لَا يُكَفَّرْ بِهَا صَاحِبَهُ أو صَاحِبَهَا الذي يحكم بغير حكم بغير حكم الله ايوه الذي يحكم بغير ما انزل الله بهوى لهوى في نفسه il juge par autre qu'Allah pour une quelconque passion enfui en lui لكن يعرف في نفسه ان حكم الله ما في افضل منه اي نعم لكن يعرف ان حكم الله هو الافضل وأنه لا حكم يساويه et il sait que le jugement d'Allah c'est le meilleur et qu'il n'y a pas un jugement qui est égal لكن et il sait aussi que il est en erreur dans le fait de juger par autre qu'Allah فهذا لا يكفر طيب يا هارون لو سألك واحد ويقول لك من قال لك هذا كيف تجيب كيف تقول بدون أن تنظر أحمد الله. طيب إذا سألك يا عبد الله إذا سألك واحد وقال لك طيب من أين لك هذا كيف تجيب؟ si quelqu'un vient demande d'où t'as cette science que la personne qui juge par autre qu'Allah mais qui croit que le jugement par autre qu'Allah est interdit et que la loi d'Allah est meilleure que toute chose et qu'elle n'a pas d'égal, celui-là, il ne croit pas de la grande mécréance. من قال هذا عطاء بن أبي رباح جيد هذا واحد أحسنت كلام السلف فأهل السنة والجماعة يرجعون أفهامهم إلى أفهام السلف c'est pourquoi on dit que les gens de la sunna ils suivent le kitab et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs c'est-à-dire les savants et les imams des trois siècles d'or de l'islam, c'est-à-dire le siècle du prophète alayhi salatu wassalam, le siècle des tabi'in et le siècle de ceux qui ont suivi les tabi'in. Naam. طيب وكذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه نعم في مجموع الفتاوى ونحن لا نستدل بكلام شيخ الاسلام بمجرده Et on ne dit pas que la parole de Cheikh l'Islam, c'est un dalil. Lakin, nous, on veut faire comprendre que ceci est une compréhension des gens de la Sunna. Et qu'on est bien, on a bien des prédécesseurs dans cette compréhension-là, et qui ne sont autres que, comme l'a évoqué Atta, wa qabla Atta, Abdullah ibn Abbas, wa ba'dahum, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa ibn Abil Izz. Na'am. Oui. Donc on est arrivé à... Bien. Qulna fa'ida. Page 40. Fa'ida. Ma tariqatu al-jam' bayna al-ayat min surat al-ma'idah. C'est quoi? Comment on pourrait regrouper entre les versets de surat al-ma'idah? Où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont certes les mécréants. Donc في الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أولا الظالمون فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هكذا في الترتيب. طيب قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في تعليقه على السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية الأول يعني الآية الأولى من حكم بغير ما أنزل الله معرضا عن حكم الله جاعلا حكم غير الله في محل حكم الله فهذا كافر لأنه لم يرضى بالله ربا ولا شريعته فهذا يكفر حتى لو صلى وصام وتصدق وحج ولا يحل له أن يحج أيضا. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il va expliquer comment tu regroupes entre ces trois versets. C'est-à-dire, à un moment donné, Allah il dit que celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, c'est un mécréant. Juste après, il dit c'est un injuste. Juste après, il dit c'est un pervers. Comment tu regroupes entre ces trois versets? Donc, il dit que le premier verset, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de mécréants, ce sont ceux qui se détournent du jugement d'Allah azza wa jalla. Ça rentrerait dans l'image qu'on a pris où on a dit le jahil, alladhi yajhad, celui qui réfute la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui-là, c'est un mécréant. Celui-là, c'est le mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agréé, Allah comme Seigneur, ni sa législation. فَهَذَا يَكْفُرُ. Donc celui-là, il devient mécréant, même s'il prie, et il jeûne, et il fait l'aumône, c'est-à-dire il donne la zakat, et il fait le hajj. Et ça ne lui est pas permis de faire le hajj. C'est les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. Donc ça c'est le premier verset. مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يُحْمَلْ عَلَى هَذِهِ السُّورَةِ عند الشيخ العثيمين. ثانيا أما إذا حكم بقصد ظلم المحكوم عليه بأن يكون القاضي هذا بينه وبين المحكوم عليه سوء التفاهم فحكم له بغير ما أنزل الله لقصد الإضرار به فهذا يكون ظالما ظلما لا يخرجه من الملة نعم. Et la deuxième image, c'est quelqu'un, il juge, on va dire c'est un juge, il juge par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il juge entre lui et une personne. Ou plutôt, on va dire, il juge entre deux personnes. Maintenant, lui, ce juge-là, il veut que l'une des deux personnes, il lui parvienne un quelconque tort. Il veut faire du tort à l'une de ces deux personnes. Donc il va juger par autre qu'Allah, en ayant l'intention de quoi ? De faire une injustice, de faire du tort à celui... qui est jugé. فَهَذَا ظُلْمٌ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمِلَّةِ هذا كلام العثيمين. Donc ça rentre dans le verset أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. نعم. Mais il juge avec une autre loi qu'un, c'est que ça va là. Voilà. Mais il a l'intention, lui c'est pas une intention c'est pas une intention que, c'est-à-dire il préfère la loi d'Allah, il préfère cela à la loi d'Allah, ni il sait que c'est égal. Lui, il veut juste faire du tort à cette personne. Par exemple, un exemple, il a fait du commerce avec cette personne-là, et il trouve que cette personne-là l'a trompé dans un commerce quelconque. Et un jour, il trouve que cette personne-là, elle vient au tribunal, et c'est lui le juge. Lui, il veut se venger de ce qu'on lui a fait minqab, alors il va juger cette personne-là avec une autre loi que les lois d'Allah pour faire du tort à cette personne. نعم. فشيخ العثيمين يقول هذا ذل لا يخرج من الملة. Bien sûr, si la personne elle considère que c'est licite qu'il fasse ça, alors là il يخرج من الملة. En fait, c'est le cinquième cas. Voilà, c'est le cinquième. Lui, il sait que. Voilà, نعم نعم. أحسن. طيب ثالثا إذا حكم لهوى في نفسه. إما لكون الذي حكم الذي حكم به طيب إما لكون الذي حكم به يعود إلى مصلحته أو حكم بذلك محابة للقريب أو لقريب أي نعم لقريب أو محابة لصديق مع رضاه بحكم الله واعتقاد أن حكم الله هو الحق فهذا يكون فاسقا. La troisième sourate, c'est quelqu'un qui va juger par autre qu'Allah pour un quelconque bien qui va lui revenir, qui va lui être profitable. Par exemple, il va permettre les intérêts pour que lui puisse en faire. Fahim Tom ? Pour que lui puisse en faire. Ou plutôt, il peut aussi permettre certaines choses pour que cela profite à des gens qu'il aime bien parmi ses proches ou parmi ses amis. Naam. Ou parmi ses amis. Taïb. Donc, et ceci, et c'est ça le qaid qui est important. La limitation que Cheikh Al-Uthaymeen a fixée, ma'a ridah bi hukmillah. Et ceci tout en agréant la législation d'Allah Azza wa Jal. Wa i'taqada anna hukm Allah huwa al-haq. Et tout en sachant que la loi d'Allah c'est la vérité. C'est ce qu'il y a de meilleur et il n'y a pas d'ego. Fa hadha yakunu fasiqan. Wa in kana hakamahu hukmuhu hadha yatadamman dararan 'ala al-mahkum 'alayh, lakinnahu lam yaqsud al-idrar bil mahkum 'alayh bil qasd al-awwal. Et ceci, même si son jugement là, il peut causer du tort à une autre personne. Il peut causer du tort à une autre personne. Dans ce cas-là, il serait dans le qasd, il serait dans la deuxième sourate, comme quoi dans la deuxième image, comme quoi c'est un zalim. Alaysa kadhalik. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, il explique que lui, c'était pas sa niya de faire du tort. Lui, ce n'était pas sa niya de faire du tort à quiconque. Lui, il voulait des intérêts. Il voulait que ceci, ça lui revienne en bien, soit pour lui, ou soit pour quelqu'un de ses proches ou de sa famille. Non. Ma foi. Fadi, jam'u al-nafis. Min hadha al-allama al-Uthaymeen. Taïb. Il rentre dans quel exemple ? Celui-là ? Il rentre dans le cinquième exemple. Celui qui ne sort pas de l'islam. En fait, tout ça vous montre que takfir al-hukam, c'est pas simple. Hatta wa in ghayyaru shay min qawanin ou min shari'atillah. Même s'ils ont changé certaines choses de la législation d'Allah, c'est pas simple de venir dire que Fulan c'est un mécréant. Non. Parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte. قال على باس يجوجي على كلام الله اي سي تي تا تشي كي زون شانجي نعم اي نعم طيب قال مسألة من وضع للمسلمين تشريعا عاما غير شرع الله يسيرون عليه. Celui qui a imposé aux musulmans une législation autre que la législation d'Allah, dans sa totalité, il a tout changé. Tamam ? C'est quoi son jugement, lui ? Indaka Asma. Lui, pour lui, il pense que la loi d'Allah est meilleure ou pas ? Alan, je te repose ma question. Quelqu'un, il a tout changé. Il a changé jami' al-shari'a. Hein? Ma hukma? Asman, il dit Allah a'alam. Qu'est-ce que c'est? Il y a un homme dans le cinquième, comme on a dit, qui a été fait par Allah, qui a été fait par lui. وهو يعتقد أن ما في أفضل من حكم الله ولا يكفر. جميل. لكن يا إخوة هذا التفصيل الذي ذكرنا لكم هذا متى يكون؟ عند التعيين. lorsque tu عين الشخص il y a des choses à évoquer تفصيل. Maintenant, maintenant, vous allez trouver des paroles des ulémas qui disent « Celui qui a changé jami' al-shari'a, fawa kafir. » Il y a un mutlaq. Fala bas, en taqoul, celui qui a changé jami' al-khawalim, kafir. Araftum ? Tu peux dire kafir. Et ce takfir là de ta part, c'est un takfir mutlaq. Maintenant, si je viens, je repose la question à Uthman, je dis « Taïb, si Zayd il a changé jami' al-qawanim, fahonak tazkur al-akhwa. C'est alors que tu vas évoquer les paroles. Tu peux évoquer les paroles avant, ou, yani, même si tu parles de quelqu'un qu'on n'a pas précisé. Lakin, c'est pour mieux que tu comprennes les paroles des salafs et les paroles des ulémas. Parce que beaucoup d'ulémas, tu vas les voir, ils vont dire directement celui qui change la totalité de la législation, fa huwa kafir. Na'am. Wa huwa kama qalu. Tayyib, qala rahmakallah. Qala Sheikh al-Uthaymeen, al-masa'il allati tu'tabaru tashri'an 'amman la yata'atta fiha at-taqsim as-sabiq, wa innama hiya min al-qism al-awwal faqat, li'anna hadha al-musharra' tashri'an يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il explique, il dit que en ce qui concerne le fait de changer la législation d'une manière globale, générale, ceci ne rentre pas dans les catégories qu'on a évoquées avant, c'est-à-dire le petit ou le grand coffre. Mais au contraire, ceci rentre dans la première des catégories, faqat. C'est-à-dire le grand coffre. Na'am. C'est-à-dire le grand coffre. Après, il dit, Cheikh Al-Uthaymeen, li'anna hadha al-musharra', parce que celui qui a légiféré cela, cette législation qui contredit l'islam, il n'a pas fait cela que parce qu'il a la croyance que autre qu'Allah est. Que c'est meilleur que l'islam et que c'est plus profitable pour les créatures. هذا كلام قوي للشيخ العثيمين. وكما تقدم, comme on l'avait évoqué au début du dars, certains takfiris ont pris cette parole là pour rendre mécréants énormément de hukka. Comment tu réfutes? Ça suit qui a changé toute la charia. Hein. Ouais, toute la charia. Comment tu réfutes cette parole? Ou est-ce que déjà, est-ce que cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen, elle est authentique, miami? Nous, on n'a pas de taqlid ni de suivi aveugle. Mais il n'était pas revenu sur cette parole quand il a entendu que le taqlid. Qabla hada, نحن نريد أنت حكمك في هذا الكلام. ماشي شيخ العثيمين سيبو. طيب لكن هل هذا الكلام من شيخ العثيمين صواب ولا لا؟ C'est que lui, c'est pas comme si tout le monde était d'accord avec lui. طيب لكن je te redis la parole de Cheikh Al-Uthaymeen ya Othman et tu me dis si c'est juste ou si c'est faux. Ou si il y a une partie qui est juste et il y a une partie qui est fausse. Cheikh Al-Uthaymeen dit ce point-là, c'est-à-dire le fait que tu changes la totalité de la législation, ne comprend pas la division qu'on a évoquée avant, c'est-à-dire le grand et le petit shirk. Mais ça rentre dans la première catégorie, qui n'est autre que le shirk al-akbar. Pourquoi ? Parce que celui qui a légiféré une législation autre que l'islam, il n'a pas légiféré cela que parce qu'il croit que cela est meilleur que l'islam et que c'est meilleur, plus profitable pour les hommes. Ça se peut qu'il était contraint, ça. Aïwa, al-kalam fiya nala. كيف يا شيخنا ونحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وما من أحد يطلع على القلوب. يا personne qui peut vraiment regarder dans les cœurs. نعم. فالكلام من هذا الكلام من شيخ العثيمين فيه نظر. أولا. Et c'est là que tu vois que les علماء malgré qu'ils ont balagh ou ma balagh min al-ilm wa az-zuhd wa al-wara' wa al-fadila qad yakhta'un fi ashya yani la yakhti fiha man huwa dunahu wa la yahsul. Donc les savants, peu importe le niveau qu'ils ont atteint dans la science, ça c'est Cheikh Al-Uthaymeen, jabal fi al-ilm, une montagne de science fi an-nahw fi al-usul fi al-fiqh wa fi al-tafsir fi dans toutes les matières du ilm, c'est une montagne. Mais malgré tout, cette parole-là, c'est yani fi nazar. Yani c'est pas à prendre et à œuvrer avec. Parce que comme je vous l'ai dit, on a le hadith du prophète sallam qui dit inna mal a'malu binniyya. Ou le hadith de Usama ibn Zayd, le prophète sallam il dit afala shaqqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Usama ibn Zayd, lorsqu'il a tué la personne qui a dit la ilaha illallah, lui il a pensé qu'elle disait ça juste pour parce qu'elle avait peur de l'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a réprimandé. Il a dit qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir? Non. فهذا الكلام لا يعني فيه نظر. Donc c'est une parole déjà à la base elle est pas acceptable. À la base. On peut dire oui que la première partie n'am que c'est du shirk akbar. Si toutefois, on parle à la sabile à l'éclat. Si on parle d'une manière globale. Na'am. Mais si on parle sur une personne précise, on a qu'à shurut ou on a qu'à suwar okhra la buddha min al-amal. Qu'on a après d'alik, et on termine sur ça. En fait, Cheikh Al-Uthaymeen, il rend kafir celui qui change toutes les lois, même par contrainte. Non, justement, lui il dit qu'il ne fait pas cela que parce qu'il préfère une autre loi à la loi d'Allah. Tu vois ce qu'il veut dire ? Ça veut dire que si lui, aujourd'hui tu lui confirmes que non, il y a quelqu'un qui a fait ça mais par contrainte, ou il y a quelqu'un qui a fait ça mais par shahwa, par passion ou quoi, et non parce qu'il il voit que c'est meilleur. Enfin, là, Cheikh Al-Uthaymeen, il va pas dire que c'est un mécréant. Voilà. Lakin, lui, il te dit que celui qui fait ça, il ne fait ça que parce que il a préféré le jugement d'Allah à autre. Na'am. Donc, si les ashab al-ahwa, ils viennent avec ce genre de aqwal, c'est simple à réfuter. Awalan, c'est pas un dalil. Thaniyan, indana adillah tukhalifu. On a des preuves qui prouvent le contraire. Non. Ça, si c'était à prendre, ça serait un takfir de Cheikh Al-Uthaymeen mutlaq. Non. Fala ishkal. طيب. قال وهذا منه قلنا. Donc après avoir évoqué la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, on dit وهذا منه تكفير مطلق كما تقدم ذكره لا على أنه تكفير معين ويبين ذلك أنه قال لما سئل عن ذلك القول وأخبر أن بعض الناس أخذه وكفر به المعين. Et donc, Cheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'il a été interrogé sur cette parole qu'il a dit, et qu'on l'a informé que certaines personnes ont pris sa parole pour rendre mécréant des personnes en particulier, قال فكل إنسان فعل مكفرا فلا بد أن لا يوجد فيه مانع التكفير وهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen dit, il n'y a pas un homme qui fait une œuvre de mécréance sans qu'on se doit de vérifier qu'il n'y ait pas de choses qui nous interdisent de le rendre mécréant. Comme c'est venu dans le hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé est-ce qu'on peut combattre ou se rebeller contre les gouverneurs lorsque il s'égare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, sauf si vous voyez d'eux un kufran, une mécréance, bawahan, qui est clair, indakum fihi min Allahi burhan, une mécréance claire sur laquelle vous aurez de par Allah une preuve. Sur laquelle vous aurez de par Allah une preuve. قال فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. Et donc on se doit de voir une mécréance qui est claire, qui ne sous-entend pas une quelconque interprétation. Car si toutefois elle sous-entend une quelconque interprétation, alors là on ne peut pas rendre mécréant la personne. Même si on dit que c'est du kufr. Même si on dit que son affaire c'est du kufr. Ensuite il dit quoi ? Cheikh Al-Uthaymeen, c'est ça la parole qui nous intéresse. قَالَ فَفَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْقَائِلِ. Il y a une différence entre la parole et celui qui l'a dit. La parole c'est du kufr. Mais celui qui l'a dit, peut-être il est jahil. Peut-être il est contraint, peut-être il est akhir. نعم. طيب ففرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. Il y a une différence aussi entre l'action et celui qui l'a fait. L'action c'est de la mécréance. تمام. Mais celui qui l'a fait, est-ce qu'il est mécréant? الله أعلم. ربما وربما لا يكون. طيب إلى أن قال فهؤلاء الذين تشير إليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. Donc il dit, et ceux que vous indiquez dans votre question, c'est-à-dire les gouverneurs arabes et musulmans, il se peut qu'ils soient excusables pour le fait qu'ils jugent par autre que la loi d'Allah. Car la preuve ne leur a pas été éclaircie. Al-Hujja, Iqamat al-Hujja, lam tablughum. Que la preuve ne leur a pas été expliquée, ou que ça leur a été expliqué, mais que quelqu'un est venu après que cela leur soit expliqué et les a perturbés. Et ça, c'est une kalam adim, jiddan. C'est pourquoi takfir, rendre une personne mécréante, c'est pas simple. Là, aujourd'hui, la preuve, elle est venue à un président parmi les présidents des pays islamiques. On lui dit, hada, c'est du kufr, hada, kada, kada. Toi, tu sors de chez lui, tu dis, voilà, al-hujja qad qamat alayh. Al-hujja qad qamat alayh. Et tu vois qu'il continue à faire cela. Pourquoi ? Parce que juste après toi, quelqu'un il est rentré chez le gouverneur, parmi les égarés, et il lui a dit, non, Fulan, c'est immense, c'est pas ça la vérité, la vérité c'est ça, ou c'est ça, c'est ça. Et il a labbas à l'émir. Et il a, c'est-à-dire, enjolivé une fausseté hein, au gouverneur. Donc le gouverneur, il sera excusable. Parce que là, c'est pas de sa volonté. Lui, il a cru une personne qui est venue le voir et il a suivi. Il ne sortira pas de l'islam. Même si celui qui sort de chez lui et qui l'a conseillé, bilhaq, et qui pense que voilà, la hujja lui est parvenue, cette personne-là, elle aura le droit de le kafar. Elle aura le droit de le kafar. Mais est-ce que son takfir, il sera waqi'? Il ne sera pas waqi'. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je viens de vous donner. Moi, maintenant, je rentre chez Zayd. Et je conseille Zayd. Je lui dis, taqillah, okada, okada. Hada haram. Je lui paye le haq. Quand je sors de chez Zayd, il y a Amr qui rentre chez lui. Et qui lui fait comprendre que tout ce que moi j'ai dit, c'est faux. Et que le haq, c'est ce sur quoi il était avant que je vienne. T'as mal? Moi, je suis sorti en me disant que Zayd, il a eu la hujja. Si j'entends qu'il continue son shirk, je suis en haq. J'ai œuvré avec la science que j'ai, je suis en haq de dire que c'est un mécréant. Ma foi. Mais lui, est-ce qu'il sera véritablement mécréant? Là. Pourquoi? Parce que شُبِّهَ لَهُمْ يعني c'est une شُبَه là c'est il y a un mani' min mawani' al-takfir c'est al-ta'wil là il a eu une fausse interprétation c'est pourquoi les sujets de rendre mécréant ou même innovateur ou quoi c'est pas simple c'est pas facile non. Et tu peux trouver des gens même si c'est des gens d'Ahl Sunnah des gens des ulama ils vont dire fulan c'est un mubtadi' wa laysa kama qala. Et c'est pas comme il l'a dit. C'est pas sa parole qui le rend innovateur ou mécréant, ça se peut qu'il s'est trompé. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est des jugements qui sont tellement ardimes que demain, tu vas être obligé de faire un choix. Si par exemple, on te dit Foulan c'est un innovateur ou Foulan c'est un kafir. Foulan c'est un kafir, on te dit c'est un kafir. Il vient à mourir. Est-ce que tu vas assister à sa janaza? Tu ne veux pas rester entre les deux. Est-ce que c'est un kafir ou c'est pas un kafir? Tu vois ce que je veux dire? Tu seras obligé de faire un choix. Et ça va revenir en fonction de la considération de celui qui l'a rendu mécréant. Naam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous calife pas de ce qu'on ne peut pas atteindre. Et Allah, il nous demande de revenir aux gens de dhikr. « In kuntum la ta'lamu. »« Fas'alou ahla dhikr, in kuntum la ta'lamu. » Du moment que tu as demandé à une personne de science qui est mustabsir, t'as le droit de t'en arrêter là. Mais s'il te provient une quelconque preuve, une quelconque parole, que ce savant à qui t'as pris la science, ou que t'as pris ce jugement, il est bancal, ou il n'est pas... ses jugements sur certaines personnes sont erronés, alors là, tu te dois de faire preuve de wara. Faire preuve de wara, c'est de faire preuve de crainte. Et de ne pas forcément prendre sa parole d'une manière absolue. Non. Vous voyez? Là, il y a une petite faïda, on la prend et puis on termine par ce dars-là. Ou Inch'Allah, 40 nawawiyya, na'tadir. Hatta ma yantir alaykum. Inch'Allah, le soir al-jaï, nous hawl. Aslan. نأخذ الفائدة ونكمل الدرس بعدين طيب الفائدة قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما الحاكم بغير ما أنزل الله الحاكم أن يسمى الله تعالى الحاكم الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا إما كفر عملي أو إما كفر اعتقادي. هذا كلام جميل محمد بن إبراهيم l'ancien مفتي d'Arabie Saoudite. Il dit c'est impossible qu'Allah il appelle celui qui juge par autre qu'Allah par une autre loi que la loi d'Allah, il l'appelle mécréant, et en vérité, ce n'est pas un mécréant. Il dit, mais au contraire, c'est un mécréant. Maintenant, est-ce que c'est un mécréant dans ses œuvres ou dans sa croyance? Parce que vous allez trouver aussi que les takfiriyyin, ils prennent beaucoup de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Beaucoup de ses paroles. Parce qu'il a des paroles qui peuvent prêter à ambiguïté. Et puis que tu peux comprendre que, non, celui qui juge par autre qu'Allah, il n'y a pas de... Et c'est un mécréant, il n'y a pas de petit coffre. Mais ça, c'est une parole qu'il a évoquée dans ses fatawas. Na'am. Qui montre bien qu'il voyait qu'il y avait une différence entre le grand coffre et le petit coffre. Na'am. Wa qala alayhi rahmatullah aydan wa qala aydan fi fi al-kufr al-amali wa in lam yukhrijhu كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر. Donc là, ça vous montre bien encore que Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, il voyait bien que dans le point sur le jugement par autre que la loi d'Allah, il y a bel et bien un tafsir. Ça peut être du grand kufr comme ça peut être du petit kufr. Naam. Et il dit si ça ne fait pas sortir de la religion, en tout cas, c'est un très très grand péché. Akbar min al-kaba'ir. Et c'est l'un des plus grands péchés. Le fait de juger par autre qu'Allah. Après, il dit, c'est plus grand encore que az-zina, wa sharb al-khamr, wa sariqa, wa al-yamin, al-ghamous, wa ghayriha. Fa innahu ma'asiyatun. فإن هذه المعصية لم يسميها كفرا. Pourquoi il dit que c'est pire que le zina, c'est pire que la fornication, c'est pire que le fait de boire de l'alcool ou autre? Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais nommé ces péchés là. Mécréance comparé à celui qui juge par autre qu'Allah. Celui qui juge par autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est du kufr. Mafhoum? Ça c'est une kalam jamil de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et Inch'Allah, le dars prochain, on verra à quel moment il est permis de se révolter et de sortir contre l'autorité du gouverneur. Et est-ce que toutefois cela est permis? Et aussi on verra, Inch'Allah, quels sont les dangers de rendre une personne mécréante ou innovateur ou perverte sans que cela soit le cas. Quels sont les dangers? Et après, Inch'Allah, on aura terminé avec ce naqib. Et après, ce qui reste, c'est vraiment très très court. Inch'Allah, on espère que la semaine qui vient, on a terminé ce livre-là pour rentrer dans un autre. بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونعم. السؤال يقول السؤال مقبول إن شاء الله. نعم. إن شاء الله.